je peux parler de ma patrie qui est blessée dont les blessures sont invisibles. J'ai été loupé sur le ciel bleu. Le ciel bleu n'est encore bien là-bas sur mon. Mais quelqu'un m'a dit que ma patrie de Jemont est trop sale. Quand même, elle est bien là-bas. Et je suis bien ici. Suis-je malheureux, suis-je dangereux? Et l'autre m'a dit, je ne pourrais plus rentrer chez moi, ne pourrais pas me marier dans mon avenir. Malgré que je suis bien ici, sûrement, je suis bien ici, comme ça, comme toi. Également. Il y a un grand mouvement et on peut le faire, mais ça ne change rien de ma patrie. Elle ne reviendra plus. Il y a beaucoup de gens restants que je protégeais, que j'aime profondément. Je n'oublie pas de rire, de penser, de passer à l'action. Tant que je suis bien ici, que je peux chanter avec ma voix. Suis-je malheureux, suis-je dangereux? Moi, du moins, je crois que je ne suis jamais misérable. Même si la tristesse me submerge et la douleur ne s'arrête pas. Quand même. Parce que je suis bien ici, sûrement. Parce que je suis bien ici, sûrement. Parce que je suis bien ici. Sûrement.